Ça fait la deuxième fois que nous organisons une journée avec la société Montesquieu. La dernière fois, c'était dans les locaux somptueux de Christie's, près des Champs-Élysées. Nous avions fait une journée d'études sur les oppositions à Louis XIV. Ça a été tout à fait intéressant. Et notre chère Catherine, notre vice-présidente, il faut le rappeler, hein, et par conséquent, elle est là à double titre, présidente de la société Montesquieu et vice-présidente de la société Saint-Simon. Alors, c'est vrai que j'ai des remerciements à lui faire, ainsi qu'à toutes les personnes qui vont parler aujourd'hui. D'abord, notre ami Dirk van der Kruis, que vraiment on a beaucoup de joie à revoir parmi nous, hein, qui a été notre vice-président, il faut peut-être aussi le rappeler, hein. Et tout l'organisme efficace du centre de recherche, nous n'avons absolument à nous occuper de rien, tout va bien, nous n'avons plus qu'à mettre nos pantoufles et nous installer ici, en toute sécurité. Donc je remercie Mathieu, Olivia Lombardi, tout l'organisme du centre de recherche et ceux qui nous accueillent. C'est véritablement un privilège pour notre part. Je veux me permettre de dire quelques mots par conséquent introduisant cette journée 1721 qui devrait évoquer naturellement la première édition des lettres personnes et aussi pour un historien de l'art l'enseigne de Gersin et la mort prématurée de son auteur Antoine Watteau, hein. Bien sûr, on ne trouve rien de tout cela dans les mémoires de Saint-Simon ni même dans sa bibliothèque. Si vous parcourez l'année 1721 des mémoires, c'est un pur enchaînement des péripéties majeures de la politique, liquidation du système, affaire du duc de la Force au Parlement, ambassade du grand seigneur, mort de Clément XI et exaltation d'Innocent XIII, traité franco-espagnol, promotion de Guillaume Dubois à la dignité cardinalice, maladie du jeune roi, paix de Nystad entre les puissances du Nord aux dépens de la Suède, annonce du mariage du roi avec l'infante d'Espagne et du prince des Asturies avec une fille du régent. À partir de septembre, le récit des mémoires s'absorbe dans les préparatifs de l'ambassade extraordinaire de notre duc à Madrid. Son voyage, sa mission, ça va ensuite occuper les premiers mois de l'année suivante. Qu'en est-il politiquement parlant le 8 février 1721 ? Saint-Simon est encore à Madrid, qu'il apprend la préséance au conseil réclamé et obtenu en faveur du cardinal de Rohan, qui fait sortir par protestation chancelier, duc et maréchaux. Dubois à la voie libre. Et Saint-Simon dut lui écrire : vous avez fait des coups d'État à la Richelieu. Rentré à Paris, Saint-Simon marque le coup, sa solidarité avec les ducs et ne siège plus désormais au Conseil, mais son travail en tête-à-tête continue avec le régent et il est aussi appelé à régler le sort du maréchal de Villeroy, gouverneur du roi, auquel il fait succéder son ami le duc de Charost. Il n'assiste pas au sacre d'octobre suivant, malheureusement. Et bon, une page se tourne, évidemment. Il n'y a plus de conseil de régence. Le roi est sacré. Et ajoutons les décès mentionnés par les mémoires au cours de cette année 1721 de gens d'autrefois, Desmarais, Chamillard, d'Argenson. Ajoutons deux figures érudites, Pierre Daniel Huet et le père Lelon. Et c'est tout juste si Saint-Simon parle en passage des démêlés domestiques du prince Charles de Lorraine et du formidable incendie de la ville de Rennes, cette année 1721. Danjou n'est plus là pour fournir à la matière et la chronique peut paraître évidemment moins détaillée que celle des chroniqueurs de son temps, c'est-à-dire Mathieu Marais ou Edmond Jean Barbier, que la tourmente boursière a malmené. Chez eux, l'actualité policière mondaine, scandaleuse, prend largement de place. Les embarras judiciaires du duc de la Force, la débâcle du système, des petits scandales, les frasques du jeune duc de Richelieu, l'exécution de Cartouche et des siens, ça aussi c'est important, dont ne parle pas Saint-Simon, et encore les embarras conjugaux du prince Charles, du prince de Conti, les amours du régent et les fêtes qui choquent le public. Le public est choqué par les fêtes somptueuses du régent en l'honneur de ses maîtresses. Et on guette à Paris aussi avec inquiétude les progrès de la peste venue de Marseille, déclarée à Marseille en 1720, et qui continue à cheminer dans le sud de la France. Alors certes, quand on lit ces chroniqueurs, ça peut nous paraître beaucoup plus désordonné, beaucoup plus violent de cette époque que dans ses mémoires. Hein. Il a bien conscience de la violence de l'époque qu'il traverse, mais ça n'apparaît pas tellement dans son texte. En revanche, il est remarquablement attentif au bouleversement des rapports de force au sommet de l'État, la résistible ascension de Dubois, bien entendu, la position avantageuse de M. Duc, généralement aux aguets, et bien entendu, les feuilles s'envolent. Merci beaucoup, Catherine. Et le cheminement silencieux et inquiétant et implacable de Fleury. Parmi ces puissants personnages, notre duc est toujours, toujours prêt à toujours l'oreille du prince, et jamais, quand on y pense, Dubois n'arrivera à le dégommer, en fait. Hein. C'est bien ça qu'il faut se dire. Et quand Saint-Simon devient ambassadeur extraordinaire, cela ne fait que sceller une vieille alliance dynastique dont il a toujours été partisan, ce que la cour de Madrid sait parfaitement, d'où la réussite de son ambassade. Quand on se tourne évidemment vers la vie intellectuelle de Saint-Simon, vous pensez bien qu'en tant que ministre d'État, il n'a pas pu lire beaucoup se détendre à la lecture. J'ai traité de sa bibliothèque en regard du XVIIIe siècle dans un autre colloque. Je dois dire que la progression de cette bibliothèque, c'est surtout à partir des années 1730. Mais en attendant, on peut toujours épingler dans cette bibliothèque la collection des périodiques fournis principalement par les réfugiés protestants des Pays-Bas. La géographie est très importante également. La littérature de voyage, de même. Hein, et tout ça. Et alors, si. Oui, et voilà, c'est pour ça que j'en parlais. J'en dis un petit mot pour l'instant. Si Saint-Simon possède quelques volumes de l'Académie royale des sciences, on ne peut pas le rattacher, bien entendu, à tout le mouvement intellectuel qui vient de cette Académie, que, rappelez-vous, Philippe d'Orléans, dès qu'il arrive au pouvoir, prend sous son aile et contribue à la réformer avec l'aide de l'ami Fontenelle. Comme vous le savez, non, Saint-Simon appartient plutôt au courant intellectuel qui relève de l'Académie des inscriptions, de l'érudition, hein, et c'est plutôt dans cette veine-là qu'on peut le classer. Il se serait beaucoup réjoui, sans doute, de la création du cabinet des chartes beaucoup plus tard. Quant à l'amitié avec Montesquieu et l'arrivée des voyages Montesquieu sur le rayon de bibliothèque de Saint-Simon, c'est pour plus tard. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai résumé outrageusement ce que j'ai écrit là, et Catherine... À vous. Donc, si je veux faire un tableau aussi complet que celui que vient de nous présenter notre président Philippe Ourcade, du côté de Montesquieu, je serais bien en peine, car on sait relativement peu de choses sur ce qu'il a fait. C'est un, disons, assez obscur président de Parlement qui se trouve être l'auteur d'un ouvrage assez sulfureux, donc on ne va pas tellement s'étendre. Non, mais je voulais surtout parler de l'objet intellectuel de cette... parce que je savais que je ne pouvais pas concurrencer et que beaucoup de choses avaient été dites. Donc, je vais plutôt m'attarder sur l'objet intellectuel que constitue notre journée, qui est représentée à la fois par des chercheurs, nous dirons, confirmés, mais aussi par une jeune recherche extrêmement vivante, et je suis contente que l'une et l'autre se mêlent. Et donc, surtout dans un cadre aussi magnifique, et nous devons véritablement remercier le château de Versailles d'un tel accueil et de telles conditions de travail. Alors, au temps des lettres persanes, la formule est assez vague pour pouvoir accueillir à la fois des études qui vont courir un petit peu sur toute la période de la Régence, que des études plus ponctuelles sur, comme la mienne pour commencer, sur l'année 21. J'avais traité autrefois l'année 1748, là c'est l'année 21, mais évidemment qui doit être reprise dans un mouvement plus long. Au temps des lettres persanes, les Lumières avant les Lumières, point d'interrogation, car lorsque nous en avons discuté en conseil d'administration, donc, enfin, il y a eu véritablement discussion, et notre président, dans sa grande sagesse, a insisté sur l'importance du point d'interrogation, puisque, effectivement, il serait caricatural de présenter cette année 1721 comme une année de rupture, une année d'ouverture, une année où tout à coup les yeux se dessilleraient et on entrerait dans une autre ère. Il est bien évident que cela, bon, d'abord du point de vue de l'histoire des idées, ça n'a pas de sens, mais aussi il est clair que nous devons prendre cette recherche véritablement comme une série d'interrogations en voyant comment, à travers différents événements, à travers différents arts, à travers les curiosités qui se manifestent chez les uns et les autres, à travers même la posture intellectuelle, la posture d'auteur de Saint-Simon et de Montesquieu, comment on peut discerner une continuité, une rupture, ou bien... sans choisir entre les deux une évolution ou le signe de quelque chose. Donc c'est véritablement une journée qui est placée sous le signe de l'interrogation. Mais également, ce qu'il faut bien voir pour nous replacer dans un temps beaucoup plus long, c'est qu'il faut envisager cette période, cette année 21, qui, si l'on en croit l'analyse ancienne de Paul Hazard, donc viendrait après cette période de la crise de la conscience européenne. Et donc il est certain que désormais il n'est plus possible, pour de multiples raisons qui seront évoquées peut-être par les uns et par les autres, de reprendre ce vieux schéma de Hazard qui a maintenant presque un siècle. Un siècle. C'est dans les années 1930, donc 90 ans. Hein. C'est d'abord, nous en parlions avec Claudine Poulouin. Moi-même, j'ai fait cet exercice périlleux qui a consisté à relire Paul Hazard il y a quelques années. Ce n'est plus possible, si vous voulez. On admet les conséquences de Paul Hazard, les conclusions de Paul Hazard, mais la démarche intellectuelle n'est plus admissible. Hein. C'est ce qu'on appelle une méthode des années 1930. Bon, et le problème, c'est que l'on voit toujours perdurer dans les histoires littéraires, dans l'histoire des idées, chez les historiens, donc l'idée que il y a eu une crise de la conscience européenne entre 1680 et 1720. Et donc, d'une part, on peut s'interroger sur la notion de crise, et d'autre part, il faut évidemment replacer cela dans un temps beaucoup plus long, dans un temps de remise en question, d'élaboration d'une forme d'esprit critique, d'une élaboration d'une conscience, bien que les temps ont changé. Et cela s'enracine beaucoup plus haut. Cela commence avec Spinoza. Cela commence très haut dans le XVIIe siècle. Évidemment, cela connaît un certain nombre de circonstances, de développements, d'épisodes, et évidemment avec une progression qui n'est jamais linéaire. Il n'y a pas d'aboutissement en 1721 avec le temps des lettres persanes. Il y a simplement des temps nouveaux. Des temps nouveaux donc, que nous allons voir maintenant sous différents aspects. Et nous allons maintenant confier la présidence de la séance à Monsieur Van der Kreuz, dont Philippe Ourgade a rappelé quelle était sa proximité ancienne et fidèle à la Société Saint-Simon, et qui, étant amateur de quelqu'un dont nous allons reparler plusieurs fois, Chardin, ayant particulièrement travaillé en ce domaine, va pouvoir d'ores et déjà nous éclairer.